franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la tentative de coup d'État en Espagne le 23 février 1981. Une date clé. Il suffit de questionner un habitant de ce pays en âge de se souvenir. Il vous répondra deux choses. Primo, qu'il se rappelle exactement ce qu'il faisait ce soir-là. Deuxio, qu'il se souvient avoir vu le coup d'État à la télévision. Pour la première affirmation, difficile de lui donner tort, tant le 23F, comme on dit de l'autre côté des Pyrénées, est une date charnière de l'histoire contemporaine espagnole. Pour la seconde, c'est malheureusement impossible en direct, puisque les chaînes de télévision n'ont diffusé le film que le lendemain de la tentative de putsch, le premier et certainement le dernier acte du genre enregistré à la télé. Ce soir du 23 février 1981, plus de 200 militaires prennent en otage les Cortes, le congrès espagnol, pour renverser la jeune démocratie, ultime sursaut d'un franquisme en voie d'extinction. Dans l'histoire de l'Espagne, le coup d'État est une tradition. Il porte même un nom, les pronunciamentos. Cette dernière tentative, parce qu'elle échoue, parce qu'elle paraît complètement anachronique, a longtemps prêté à sourire. En réalité, le 23F signale avec force que la transition démocratique espagnole n'a pas été ce long fleuve tranquille souvent cité en exemple, et que la démocratie est un chemin semé d'embûches, fragile, instable, comme tous les biens précieux. En seconde partie d'émission, nous recevrons Sophie Babi, historienne, spécialiste de l'histoire contemporaine espagnole. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Leugle, à la technique aujourd'hui Valentin Hazan. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Madrid, mardi 23 février 1981. Dans l'hémicycle du Congrès des députés, on vote l'investiture de Leopoldo Calvo Sotelo, membre de l'Union du Centre démocratique, le parti majoritaire, pour le poste de président du gouvernement. Il doit succéder à Adolfo Suarez, qui a remis sa démission quelques semaines auparavant. L'issue du vote est assurée. Trois jours plus tôt, Leopoldo Calvo Sotelo n'a pas obtenu la majorité absolue, mais sur ce second vote, il lui suffit de la majorité relative pour être élu par ses pairs. Tour à tour, les députés sont donc appelés à se lever et à s'exprimer par oui ou par non. Mais à 18h23, ce 23 février 1981, un événement bouleverse le lent rituel démocratique. Don Manuel Gracia Navarro. Non. À l'instant, on vient juste de recevoir un projectile sur la caméra. On ne sait pas d'où ça vient. Ce qu'on sait, c'est que la police, la Guardia Civil, est entrée. Et c'est à ce moment que les coups de feu ont éclaté. En bas, on voit un des individus avec un képi sur la tête, armé d'un pistolet à la main, qui monte à la tribune. Il s'agit d'un membre de la Guardia Civil qui pointe son pistolet. Puis d'autres policiers rentrent. Ils commencent à menacer le président de la Chambre avec leur pistolet. Et nous voyons, la police. On ne peut pas vous en dire plus car on ne voit pas davantage. Incroyable. En plein cœur de l'hémicycle, des gardes civils prennent d'assaut le congrès. Parmi eux, un homme se détache. Il est en costume militaire, porte un chapeau tricorne, une moustache fournie et un revolver à la main. Malgré la stupeur de l'attaque, les députés l'ont rapidement reconnu. Il s'agit du lieutenant-colonel Antonio Terrero. 3 ans auparavant, en 1978, ce franquiste invétéré faisait la une de l'actualité. Il planifiait un coup d'État. Rebaptisée par la presse Opération Galaxia, la conspiration prévoyait de séquestrer le gouvernement en plein Conseil des ministres. Arrêté à temps, Antonio Terrero est jugé, puis rapidement remis en liberté après quelques mois de prison. Et le voilà, 3 ans plus tard, à la tribune des Cortes, l'arme à la main, comme un délinquant récidiviste. Dans l'hémicycle, les 350 députés, la trentaine de sénateurs et l'ensemble des ministres du gouvernement sont présents. C'est toute la démocratie espagnole qui est prise en otage. Au moment où les coups de feu retentissent, tous se couchent, enfin, presque tous. Car face à l'assaut de la garde civile, trois hommes ne se baissent pas. Le premier d'entre eux, c'est le général Gutiérrez Melado, vice-président du gouvernement et ministre de la Défense. Il s'est levé avant même la fusillade pour ordonner aux gardes armés de sortir de l'hémicycle. Antonio Terrero, le leader des putschistes, descend toute hâte à la tribune, l'agrippe par le col pour le mettre à terre, sans y parvenir d'ailleurs. Le deuxième homme, c'est Adolfo Suarez, le président des missionnaires. Il tente de venir en aide au général Melado, puis se rassoit. Enfin, plus haut à gauche, au septième rang de l'hémicycle, un troisième homme est toujours assis. Impassible, il fume une cigarette. C'est Santiago Carrillo, le secrétaire général du Parti communiste. Ces trois hommes qui désobéissent aux ordres des assaillants résument à eux seuls le moment historique qui se déroule ce 23 février 1981. Tous les trois sont les artisans depuis 5 ans de la transition démocratique espagnole. Carrillo, le communiste, et Melado, le franquiste, symbolisent une Espagne réunie après la fracture de la guerre civile en 1936 et la période franquiste qui a suivi. Adolfo Suarez, lui, à la tête du gouvernement post-dictature, a installé une nouvelle ère pour l'Espagne. Par leur attitude, ces trois hommes défendent l'édifice qu'ils ont bâti contre vents et marées face à ce qui ressemble fort à un coup d'État. D'ailleurs, une dizaine de minutes après l'irruption des gardes, l'un des putschistes, le capitaine Jesús Munecas, prend la parole. Bonsoir. Il ne va rien se passer. Mais on va attendre l'arrivée de l'autorité militaire compétente pour décider de ce qu'il faut faire et qu'elle-même nous le dise à tous. Restez donc tranquille. Je ne sais pas si elle sera là dans un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure, mais pas plus, j'imagine. Cette autorité compétente, militaire bien entendu, va décider de ce qui va suivre. Bien sûr qu'il ne se passera rien. Restez donc tous tranquilles. C'est donc bien ce que tous craignaient. L'Espagne vit un nouveau coup d'État. Alors que depuis 5 ans le pays s'est engagé dans la voie de la démocratie, elle est prise d'assaut au cœur même du pouvoir par des forces armées. Pour comprendre comment ce pays s'est retrouvé en 1981 dans une telle situation, il faut bien sûr parcourir les sentiers de l'histoire. Españoles. Espagnol. Franco a muerto. Franco est mort. El hombre de excepción. Un homme d'exception qui a compté et est entré dans l'histoire, qui jusqu'au bout a toujours assumé ses responsabilités, del más exigente, même les plus difficiles. Servicio a España ha entregado su vida. Son service rendu à l'Espagne a imprégné sa vie. Día a día, il l'a mené de jour en jour, hora, d'heure hora, en heure. En el cumplimiento de una comme une mission exceptionnelle. Vive l'Espagne. Viva España. Ce 20 novembre 1975, Arias Navarro, troisième et dernier président du gouvernement du général Franco, annonce une nouvelle qui fige le pays. Après 36 ans de pouvoir, le caudillo, le chef, est mort. De longues files d'Espagnols défilent dans les jours qui suivent devant la dépouille du dictateur. Pourtant, à l'issue d'un coup d'État et d'une terrible guerre civile qui dura 3 ans, Franco a mis en place une dictature militaire avec la Falange comme parti unique, un contrôle systématique des libertés et une opposition républicaine réduite au silence, à l'exil ou à la prison. En 40 ans, la mainmise franquiste a connu de nombreuses évolutions. Petit à petit, une certaine démocratisation s'est opérée. Le développement économique des Trente Glorieuses, notamment le tourisme, ont apporté de l'ouverture aux Espagnols. La mort du dictateur portugais Salazar, la chute des colonels grecs et la construction européenne ont accentué l'anachronisme espagnol. À la mort de Franco, le pays est donc à la croisée des chemins, tiraillé entre ses craintes pour l'avenir et ses désirs de modernité. Prévoyant, Franco avait assuré sa succession depuis plusieurs années. Et comme convenu, c'est le prince Juan Carlos qui hérite du pouvoir. Le couronnement a lieu le 22 novembre 1975, 2 jours après la mort de Franco. Ici Madrid. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Madrid, pour une cérémonie absolument exceptionnelle et que la télévision n'a jamais transmise, la naissance officielle d'un roi. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios. Jurez-vous devant Dieu et devant les saints évangiles. Cumplir las leyes fundamentales del reino. D'obéir aux lois fondamentales du royaume. Et d'obéir aux lois du mouvement national. Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Il est roi dès cet instant précis. En nombre de las Cortes españolas. Desde la emoción en el recuerdo a Franco. ¡Viva el rey! Avec... ¡Viva España! ¡Viva! Avec l'émotion du souvenir à Franco, vive le roi, vive l'Espagne. C'est donc Juan Carlos qui est entré dans cette salle comme prince, va en sortir comme roi. Une tâche difficile attend le roi d'Espagne. C'est le moins qu'on puisse dire. L'objectif du nouveau roi est clair, instaurer une monarchie parlementaire et le retour à la démocratie. La tâche n'est pas évidente. Il faut tenir compte de l'héritage franquiste et du poids de l'armée. Du reste, c'est l'immobilisme qui marque les premiers mois du nouveau souverain. Puis, Juan Carlos décide d'enclencher la transition démocratique. Le 3 juillet, il nomme Adolfo Suarez à la tête du gouvernement. Un choix qui surprend les observateurs. Cet ancien directeur de la télévision nationale incarne certes une nouvelle génération, mais il est surtout connu pour son passé franquiste. Avec le roi, il engage pourtant une série de mesures d'ouverture. Première étape, l'organisation d'élections libres au suffrage universel. Et première difficulté, le 9 avril 1977, Adolfo Suarez décide de légaliser le Parti communiste espagnol, dirigé par Santiago Carrillo, qui peut donc participer aux élections. C'est un coup de tonnerre. De nombreux nationalistes franquistes de droite et d'extrême droite se sentent trahis. Organisées le 15 juin 1977, les élections remportent un large succès avec un taux de participation élevé. Une nouvelle constitution est soumise par référendum et remporte l'adhésion du peuple espagnol. Après des années de dictature, le pays embrasse le jeu démocratique. Mais à l'été 1980, l'Espagne traverse une crise profonde. Les conséquences du choc pétrolier prolongent les difficultés économiques et le terrorisme reste une sombre réalité quotidienne. L'ETA, l'organisation indépendantiste basque, intensifie ses attentats contre les militaires et les gardes civils. Le pays entre alors dans un cycle de violence. Face à l'absence de réponse, le gouvernement se retrouve sous le feu des critiques. Le 29 janvier 1981, acculé, Adolfo Suarez annonce sa démission dans un discours télévisé. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a parfois des moments particuliers dans la vie de tout homme où il doit assumer son sens de la responsabilité. Je crois l'avoir prouvé dignement durant les 5 années pendant lesquelles j'ai été président du gouvernement. Cependant, la responsabilité que j'ai aujourd'hui me paraît infiniment plus importante. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de vous expliquer avec la confiance et la légitimité avec laquelle j'ai été président constitutionnel les raisons pour lesquelles je présente irrévocablement ma démission comme président du gouvernement et ma décision de laisser la présidence de l'Union du Centre démocratique. En 4 ans, ces hommes ont opéré la transition démocratique espagnole sans réussir à dissiper la menace d'un renversement par la force. En ces débuts d'année, l'édifice reste donc fragile. Et si la surprise du 23 février 1981 n'en était pas vraiment une? Un grave incident a eu lieu il y a un peu plus d'une demi-heure dans l'enceinte du Parlement espagnol. Un homme en uniforme a fait irruption avec une mitraillette, semble-t-il, en hurlant « Tous à terre ou je vous tue » et en déchargeant aussitôt son arme dans toutes les directions. À l'heure actuelle, c'est la confusion la plus totale, les émissions de radio et de télévision ont été interrompues, on ignore s'il y a des morts ou des blessés dans l'enceinte du Parlement, et on sait seulement que tout le quartier est cerné par les forces de l'ordre et que des troupes se trouvent également à l'intérieur des Cortes. Il y a une chose quand même qui est très grave, c'est qu'il semblerait que ce ne soit pas des terroristes, mais bien la garde civile qui se trouve à l'intérieur de l'hémicycle, cette garde civile qui empêcherait les forces de l'ordre de rentrer, de pénétrer à l'intérieur des Cortes. Alors vous voyez, là on passe complètement d'un phénomène à un autre, mais ce qui est très important à l'instant, c'est qu'il semble bien que ce ne sont pas des terroristes, mais la garde civile qui se trouve à l'intérieur des Cortes et qui empêche la police de rentrer. Georges Tourlet, donc, pour nous résumer, ce serait une sorte de mutinerie, avec des hommes portant leur propre uniforme. Je crois qu'on peut même dire carrément le mot, c'est une tentative de coup d'État. C'est d'abord la stupeur qui saisit les observateurs ce 23 février 1981. Et il faut du temps pour comprendre qu'il s'agit bien d'un coup d'état militaire. Ces derniers jours, en Espagne, le contexte est particulièrement tendu. La question basque est au cœur de l'actualité. Quelques semaines plus tôt, en effet, un militant de l'ETA est mort sous la torture des policiers. Suite à la condamnation des responsables, les forces de l'ordre se mettent en grève le 23 février. Devant les Cortes, en plein Madrid, c'est la confusion. Un cordon de gardes civils entoure le congrès pour en bloquer tout accès. Des barrages sont établis aux extrémités de la rue. Des membres de la police nationale se positionnent devant les putschistes. On assiste à une véritable guerre de position en plein Madrid. En face du congrès, à l'hôtel Palace, on établit une cellule de crise. Le directeur général de la garde civile et le chef de la police, eux aussi surpris par le coup d'État, tentent d'analyser la situation. D'autant plus qu'une information inquiétante se propage rapidement. Le général Milans del Bosch, qui commande la région militaire de Valence, a décrété, lui, l'état d'exception dans l'ensemble de la région placée sous son commandement et instauré le couvre-feu. Toute réunion de plus de deux personnes est interdite et le général Milans del Bosch est connu en Espagne pour ses opinions d'extrême droite. Alors Bruno Albin, il ne s'agit pas de terroristes déguisés en militaires, mais de vrais militaires. Connaissez-vous cet homme ? Le général Milans del Bosch, tout le monde le connaît en Espagne. C'est effectivement l'un des purs et durs de l'ancien régime, si j'ose dire. Cette nouvelle est vraiment très importante parce qu'il semble bien qu'il ne s'agisse plus seulement d'un coup de force d'un petit groupe de soldats au Cortés, mais quand on voit qu'un général de son importance prendre des décisions aussi graves que celle de décréter l'état d'exception dans la région militaire de Valence, c'est quelque chose de très très sérieux. Alors, le deuxième mouvement du coup d'état se met en place. Une heure avant l'irruption d'Antonio Tejero au Cortés, à plusieurs kilomètres de là, à Valence, Milans del Bosch réunit dans son bureau les généraux sous ses ordres pour leur expliquer le plan. Et il détaille toutes les étapes. Il leur explique l'assaut du Congrès, qui doit être suivi de la prise de Madrid par la division blindée Brunette, l'une des plus importantes unités militaires du pays, située aux portes de la capitale. Surtout, il leur assure que ces actions l'avalent du roi Juan Carlos. Un roi qui sera, avec le général Armada, le leader du coup d'État. Le général Armada, lui, sera le futur président d'un gouvernement de coalition dirigé par l'armée. C'est fou comme ça peut être simple sur le papier un coup d'État. À 19h, ce mardi 23 février 1981, le siège de la radio et de la télé nationale est sous le contrôle des putschistes. Ils sont en passe de réussir ce qu'ils appellent un vide du pouvoir pour recueillir l'adhésion du roi. Jusque-là, le coup d'État, avec tous ses ingrédients, trace sa route. Reste le troisième homme, le leader, le général Armada, dont la suite va montrer qu'il n'était pas invincible. Qui est-il ? Au moment du coup d'État, c'est le second chef d'état-major de l'armée. 4 ans auparavant, il était le secrétaire du roi, son homme de confiance, un poste stratégique, évidemment. Il pense qu'il aura donc l'aval du souverain, et il est persuadé que face à la situation nouvelle, Juan Carlos fera appel à lui. Au quartier général de l'armée, il attend le coup de téléphone royal pour achever le coup d'État en cours. À Madrid, les rues se sont vidées. Le pays est comme suspendu, il retient son souffle. Tous les regards se tournent alors vers le roi. Quelle sera sa décision ? Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve. Sin ti, Madrid, 23 février 1981. À 18h30 ce jour-là, le roi Juan Carlos d'Espagne dans son palais de la Zarzuela, en périphérie de la capitale. C'est son secrétaire, Fernandez Campo, qui le prévient de l'assaut lancé au cœur du Congrès des députés. Dans le même temps, les deux hommes apprennent que Milans del Bosch a déclaré l'état d'exception à Valence. Le roi l'appelle immédiatement par téléphone. Celui-ci explique qu'il est toujours sous ses ordres, que tout va bien, qu'il veut juste garder le contrôle de la ville, vu la situation cortés, vous comprenez. Dans la foulée, Campo s'empresse d'appeler le général Rousté, chef de la division blindée des Brunettes. Il le sait pertinemment, tout coup d'état qui veut réussir doit s'appuyer sur cette unité pour prendre le contrôle de la capitale. Et c'est là que tout bascule. Au cours de la discussion, Rousté demande au secrétaire de roi si le général Armada est à la Zarzuela en compagnie du souverain. Alors les deux hommes se rendent compte de la situation. Rousté comprend que le roi ne soutient pas le coup d'état, contrairement à ce qu'on lui a fait croire, et qu'Armada dirige l'opération sans son aval. De ce côté, Campo comprend que le général Armada est l'instigateur de l'action et qu'il se sert du roi pour la mettre en place. Juan Carlos et Campo parviennent à arrêter les manœuvres de la division brunette juste à temps. Le contre-coup d'État commence. Le roi appelle un par un chaque capitaine général, chaque gouverneur militaire, pour leur ordonner de ne pas bouger. Bref, il se désolidarise de l'action des félons. La légitimité militaire du roi, qui a passé de nombreuses années au sein de l'armée, fera le reste. Et Armada, Juan Carlos le joint au téléphone, comme le général le prévoyait. Mais entre-temps, Campo a averti le souverain du rôle joué par son ancien secrétaire. La dernière pièce du puzzle n'est pas assemblée. Le général Armada ne rejoindra pas Juan Carlos dans son palais. Enfin, le roi décide d'enregistrer un discours. À 1h23 du matin, le 24 février 1981, Juan Carlos, en tenue militaire, prend la parole. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso. Devant la situation créée par les événements du Palais du Congrès, et pour éviter une quelconque confusion, je confirme que j'ai ordonné aux autorités civiles et militaires et au Conseil des chefs d'état-major que soient prises toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre constitutionnel dans le cadre de la législation en vigueur. Que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes. Toute mesure de caractère militaire devra être approuvée par le Conseil des chefs d'état-major. La couronne, symbole de la permanence et de l'unité de la patrie, ne peut tolérer d'aucune manière les actions des personnes qui prétendent interrompre par la force le processus démocratique que la Constitution, votée par le peuple espagnol, a déterminé par référendum. À travers des référendums. En 1 minute 30, dans un discours bref et ferme, Juan Carlos sauve, dans un même mouvement, la démocratie et la Constitution. Le coup d'État est évité quelques heures seulement après le début de l'opération. Mais il reste les Cortés, où l'ensemble des députés et des membres du gouvernement sont toujours retenus en otage. Depuis le début de l'assaut, on a tenté à plusieurs reprises de raisonner Antonio Tejero, en vain. À minuit, quelques heures avant la diffusion de l'appel du roi, le général Armada en personne, l'instigateur du coup d'État, tente de régler la situation et de redorer son blason au passage. Il rencontre Tejero mais ne parvient pas à le convaincre. Ce dernier compte alors sur Milan del Bosch qui, lui, n'a toujours pas rendu les armes. La situation est au point mort. Les heures filent, la longue nuit du 23 au 24 février s'étire. À 4 heures du matin, à Valence, Milan del Bosch finit par céder. Ses troupes rentrent dans les casernes. Cette fois, Tejero est complètement isolé. Pourtant, il ne se résigne pas. À 5 heures, après avoir appris la décision de del Bosch, il demande la formation d'une junte militaire et la dissolution du Parlement. Dernière gesticulation du putschiste. À 9 heures, contre toute attente, il laisse sortir les députées femmes. L'une d'entre elles témoigne au micro de France Inter. Comment ça s'est passé la nuit ? La nuit, tranquillement, sans rien faire. Seulement après sortir pour aller à la toilette. Est-ce que vous pensez qu'on va libérer les autres ? Oui, je pense que oui. Ça dépend de négociations. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire, en tant que députée ? Une folie. C'est une folie, mais une folie dangereuse dans notre pays. Parce que c'est pas des folies comme ça à commencer notre guerre civile. À l'intérieur des Cortés, la situation est à la fois tendue et surréaliste. Des députés ont réussi à se procurer une radio. Ils suivent l'avancée des événements à l'extérieur. De son côté, Tejero, le putschiste, est de plus en plus seul, au sein même de l'hémicycle. Certains officiers de la guerre civile n'ont pas hésité à vider le bar du congrès pendant la nuit pour passer le temps. Parce qu'eux aussi se rendent compte, au fur et à mesure, de la folie dans laquelle ils ont été embarqués. Finalement, au petit matin, l'un des soutiens de Tejero, Pardo Zancada, en charge d'une unité de la division brunette qui a choisi de soutenir le lieutenant-colonel contre l'avis de sa hiérarchie, réussit à le convaincre d'abandonner la partie, surtout, sans effusion de sang. Tejero accepte de se rendre, mais il a deux exigences. La première, que ses sous-officiers ne soient pas poursuivis et puissent sortir libres. La seconde, que ce soit le général Armada en personne qui signe le pacte de reddition, comme un ultime pied de nez adressé au leader du coup d'État qui l'a trahi. Vers midi et demi, après 18 heures de détention, les députés sortent sains et saufs de l'Assemblée. Et il était environ midi 30 lorsque le colonel Tejero s'est finalement rendu à un commandant en chef de la Guardia Civile. Aussitôt, les quelques 310 ou 315 députés qui étaient encore prisonniers à l'intérieur du Parlement ont quitté le bâtiment. Hagards, le visage rongé par la barbe, fatigués par une nuit de veille et d'angoisse, ils ont traversé la rue San Jeronimo sous les applaudissements de la foule de leurs amis et des journalistes. Tous racontent la même histoire, l'arrivée en force des soldats, les coups de feu tirés en l'air dans l'hémicycle, la peur pour soi, mais aussi, tous le disent, la peur pour l'Espagne. Tous les députés maintenant se félicite pour la démocratie, c'est l'Espagne, c'est la démocratie qui a gagné. Sans doute, les consultations vont-elles maintenant reprendre pour donner un gouvernement à l'Espagne. Le 24 février 1981, la tentative de coup d'État s'achève, sans victime. Mais tous le savent, en Espagne, le pays a failli faire marche arrière. La transition démocratique, qui tente depuis le début de gérer au mieux l'héritage franquiste, a failli échouer. Désormais, il faut absolument montrer la permanence et la force de la monarchie parlementaire et de la démocratie. Le roi reçoit les quatre principaux leaders des partis espagnols. Le 25 février, les Cortés investissent Calvo Sotelo comme chef du gouvernement. La parenthèse ouverte le 23 février à 18h23 est définitivement refermée. C'est aussi au peuple espagnol d'affirmer la voie choisie par ses dirigeants. Pendant le coup d'État, le pays entier s'est réfugié chez lui dans l'attente fragile des événements. Mais le 27 février, il reprend son destin en main. 1,5 million de madrilènes, peut-être plus, des jeunes, des vieux, ceux qui ont connu la grande nuit franquiste, le visage grave, bouleversé à l'idée qu'on puisse aujourd'hui encore, en 1981, devoir crier « Liberté, liberté » dans les rues de ce pays. Mais l'image la plus formidable que tout le monde aura retenue et qui montre combien tout le peuple a besoin dans les circonstances dramatiques et après un coup d'État qui a été à deux doigts de réussir et qui peut recommencer demain, combien il a besoin de se rapprocher, de fraterniser. C'est en tête de cette gigantesque démonstration populaire, Santiago Carrillo du Parti communiste, bras dessus avec Fraga Iribarne, le leader de la droite conservatrice, que quelqu'un, de la même façon, Felipe González, le socialiste, main dans la main, lui, avec Rodríguez Agudo, chef de file du parti gouvernemental. L'événement est historique. C'est la première fois depuis 50 ans que l'Espagne assiste à un tel rassemblement. Le long du parcours, quatre bombes déposées par un groupe d'extrême droite explosent. On remarque des inscriptions ici et là dans les rues de la capitale en hommage à Terrero, signe que les plaies ouvertes par le 23F ne sont pas refermées. Mais les bombes ne font aucune victime et les inscriptions sont vite effacées, comme si le peuple espagnol, ce 27 février 1981, était plus fort que tout, plus fort surtout que la nostalgie de la dictature. Partout dans le pays, dans les principales villes, des centaines de milliers de personnes défilent. Des Viva el Rey sont ici ou là scandés par la foule pour rappeler le rôle essentiel qu'a joué Juan Carlos pour l'histoire du pays. L'homme de Franco est apparu ce soir-là comme le seul rempart de la démocratie contre les fantômes autoritaires. Si le coup d'État est terminé politiquement, il reste quand même à le régler judiciairement. C'est le 19 février 1982, dans un bureau du service géographique de l'armée à Campamento, une zone militaire près de Madrid, que s'ouvre le procès du coup d'État manqué. 33 inculpés, tous militaires, sauf un civil, sont jugés par le tribunal suprême de justice militaire, la plus haute juridiction de l'armée. Le nombre d'accusés ne manque pas de faire réagir. 33, ça paraît bien peu, vu les intentions des putschistes. Oh, la raison est simple. Depuis des mois, le nouveau gouvernement de Leopoldo Costello fait tout pour limiter le nombre de personnes jugées. C'est ce qu'on pourrait appeler de la realpolitik. Le coup d'État a fragilisé la démocratie, il faut protéger le pays à défaut de lui rendre justice. Durant 6 mois, les débats sont houleux, la tension manifeste. Les trois principaux protagonistes du coup d'État, Antonio Terrero, Milans del Bosch et Alfonso Armada, et leurs responsabilités sont au cœur des échanges. Le verdict est rendu le 3 juin 1982, au terme de ce qui reste encore aujourd'hui le plus long procès de l'histoire espagnole. Si Antonio Terrero et Milans del Bosch écopent de 30 ans de prison, la peine maximale, Armada, le leader, est condamné à 6 ans. La décision du tribunal laisse un goût amer. La démocratie espagnole doit pourtant avancer. Le 28 octobre 1982, le Parti socialiste de Felipe González remporte largement les élections. La gauche espagnole revient au pouvoir après un demi-siècle d'opposition. L'alternance confirme le bon fonctionnement et la solidité des institutions espagnoles. Le choix déterminé du roi et des dirigeants de ne pas liquider le franquisme, mais de composer avec lui, était risqué. Le 23F l'a rappelé avec éclat. La transition démocratique ne fut pas si pacifique. Et il faudra attendre encore de nombreuses années pour que s'ouvre enfin le procès de la dictature et que les mémoires s'apaisent pour mieux se construire. Il y a quelques années, le mouvement des indignés a montré le chemin parcouru par le peuple espagnol depuis la mort du dictateur Franco. Il a rappelé avec force et vigueur que la démocratie n'est jamais acquise, qu'elle est une conquête qui doit se réinventer chaque jour. Tengo la ilusión que me está siguiendo. Es la sensación que me está llamando. Este sentimiento es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. Pensamiento, me vuelvo a quedar corazón y hueso y me entrego otra vez. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la tentative de coup d'État en Espagne le 23 février 1981 avec notre invitée aujourd'hui, Sophie Babi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire contemporaine espagnole et vous êtes, je le précise, à Aix-en-Provence dans les studios de France Bleu que nous remercions pour cet accueil. Alors, quelle est la place de cet événement dans l'histoire contemporaine espagnole et dans la mémoire collective espagnole d'aujourd'hui ? Ah ben c'est un événement, comme vous l'avez bien raconté en détail, qui a profondément marqué la mémoire, l'histoire de l'Espagne très contemporaine et qui a en quelque sorte rappelé aux Espagnols la fragilité de la démocratie, la fragilité du tout jeune régime qui était en train de se mettre en place en 1981 et qui était donc loin d'être consolidé et qu'il fallait donc agir pour le conforter. Et c'est notamment le sens de cette manifestation postérieure, hein, vous l'avez bien dit, puisque les Espagnols sont restés chez eux le jour même du coup d'État. Mais en tout cas, quelques jours plus tard, ils ont manifesté en masse dans la plus grande manifestation qu'avait connue l'Espagne depuis les années 30. Et aujourd'hui, il semble que c'est un événement qui reste aussi considérablement important. Les jeunes le connaissent. Il y a surtout des images, en fait, qui restent. Je pense que vous avez bien insisté dans le reportage, enfin dans votre description, sur le rôle de l'image. Oui. Puisque les images télévisées, même si elles ont été diffusées après coup, ont existé et sont extrêmement présentes, très souvent retransmises, voire parodiées par les humoristes espagnols. Et nous-mêmes en France, quand nous avons assisté à cet événement, qui concernait un autre pays, voisin certes, mais un autre pays, nous-mêmes en France, on était passionnés, stupéfaits. Donc on imagine évidemment quel événement ça a été pour les Espagnols. Alors, on dit souvent qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Est-ce que finalement, ça n'a pas été totalement contre-productif pour les nostalgies, pour les nostalgiques du franquisme, ce coup d'État? Parce que, finalement, il a montré à quel point la démocratie était précieuse. Et peut-être même que ce coup d'État, il a fixé la démocratie en Espagne. Peut-être, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, la conséquence immédiate, ça a été une consolidation à la fois de la monarchie, qui souffrait d'un manque de légitimité, puisque Juan Carlos était le dauphin de Franco, qui n'était même pas l'héritier dynastique, d'ailleurs, en 1975, puisque c'était son père, Don Juan, qui était l'héritier du trône. Et donc, son père a dû céder les droits dynastiques à Juan Carlos en 1977. Il n'avait pas non plus vraiment de légitimité électorale, puisqu'il n'y a jamais eu de référendum sur le choix d'une république ou d'une monarchie. Et donc là, dans cette affaire, il a gagné sa légitimité populaire, si bien qu'on a souvent dit que l'Espagne était plus Juan Carliste que monarchiste. Donc ça, c'est une chose. Et puis d'autre part, effectivement, la démocratie qui était en crise en 1980, on y reviendra peut-être sur cette crise de 1980, cette démocratie a tout d'un coup connu un regain de vivacité, je dirais, parce que, par exemple, les élections de 1982, celles qui voient arriver l'opposition socialiste au pouvoir, ont été extraordinairement, ont suscité l'arrivée, un taux de participation électorale extrêmement important. Le plus gros taux de participation électorale qu'avait connu l'Espagne depuis des années, et même qu'avait connu l'Europe, c'est-à-dire plus de 80% de participation électorale. Donc, ce qui a relégué vraiment un passé révolu, la tendance abstentionniste des années précédentes, et a montré donc cet attachement très fort des Espagnols au régime démocratique. Alors, double peine pour les putschistes. Déjà, la démocratie est renforcée. Et surtout, mais on y reviendra plus tard, la jeune démocratie espagnole devient un peu mythique pour tous ses voisins. Finalement, l'Espagne devient le symbole nouveau de la démocratie. Donc, c'est vraiment un double échec pour les putschistes. Je reviens sur cette période de 77 à 81 où la démocratie est très fragile. Et surtout en 1980, quelle est cette crise et quelles sont les forces sociales et politiques qui menacent la démocratie avant qu'elle soit vraiment, vraiment installée, qu'on ne puisse plus faire marche arrière? Oui, alors juste, j'ai oublié pour répondre à votre question précédente, de vous confirmer qu'effectivement, une des conséquences contre-productives du 23F pour les putschistes a été la délégitimation radicale de l'extrême droite. Voilà. Qui disparaît du panorama politique, et ce qui est une particularité en Europe aujourd'hui, que l'Espagne n'a pas d'extrême droite. C'est effectivement une particularité aujourd'hui. Effectivement. Voilà. L'électorat extrémiste a été capté, en fait, par le PP, par la droite classique, je dirais, conservatrice. Alors, pour revenir à votre autre question sur ce qui a précédé le 23F et les forces, donc, qui menaçaient la transition à la démocratie, eh bien, elles étaient multiples. Elles étaient multiples et elles venaient de tous les bords, c'est-à-dire à la fois de l'extrême droite. Donc là, il s'agit de tous ceux qui ont participé au coup d'État et plus généralement des nostalgiques du régime franquiste, qui n'ont jamais vraiment accepté cette réforme démocratique, qui considéraient que les leaders au pouvoir étaient des traîtres aux lois fondamentales du royaume, des traîtres à Franco, et qu'il fallait revenir à un régime bien plus autoritaire et fidèle aux idéaux de 36. Et de 39. Mais de l'autre côté, il y avait aussi l'extrême gauche révolutionnaire qui s'opposait à ce régime, à cette transition qui se faisait de façon trop réformiste et légaliste à leur goût, c'est-à-dire sans rupture avec le régime antérieur. Il n'y a pas de grand soir. Et donc, il y avait des... Pour eux, il n'y a pas de grand soir. Non, exactement. L'Espagne souffre d'un manque de révolution. Et aujourd'hui, je pense qu'on le ressent bien dans la vie politique actuelle. Et puis, il y a donc au-delà de cette extrême gauche, dont certains groupes forment des groupes terroristes meurtriers, je pense en particulier au Grapo, qui atteint justement son apogée meurtrière en 1979-80, c'est-à-dire juste avant le 23F. Et de l'autre côté, vous avez les forces dites périphériques, les nationalismes périphériques, qui constituent une menace de démembrement de l'unité territoriale et de l'unité de la nation. Bah, les Basques, les Catalans. Évidemment. Alors, les Catalans, mais qui œuvrent de façon tout à fait pacifique, il n'y a pas de groupe catalan violent à ce moment-là. Ce qui n'est pas du tout le cas, donc, du Pays Basque. Bien sûr. Puisque l'ETA est déjà extrêmement meurtrière. Alors, est-ce que, à l'époque, l'idée, ne serait-ce que l'idée d'un coup d'État est dans l'air? Entre 77 et 81, autrement dit, on a connu le coup d'État, la tentative de coup d'État du 23F, est-ce qu'elle aurait pu intervenir dans les 4 ans qui ont précédé? Enfin, je sais qu'avec les historiens, on n'aime pas trop les « si », mais on ne fait pas du virtuel, si, mais quand bien même. Sûr. Non, mais vous avez mentionné cette tentative de 78, oui, déjà. Oui, c'est vrai. Menée par le même Tejero. Donc il y a, si vous voulez, une tentation conspirationniste qui existe depuis, en gros, l'arrivée de Suárez au pouvoir et la désintégration des Cortes franquistes à la fin de 1976, qui annonce les élections de 1977 et donc vraiment le début de la réforme démocratique. Cette tonalité conspiratrice, elle est donc présente dans les casernes, voilà, essentiellement dans les casernes militaires et dans les milieux d'extrême droite, qui expriment leur colère de façon virulente, notamment par exemple à chaque enterrement, à chaque funéraille de l'un des leurs qui a été tué dans un attentat commis par les Grapos ou par l'ETA. Bon. Donc des actes d'indiscipline, comme ça, mais qui ne vont pas plus loin. C'est en 1980 que cette tonalité conspiratrice devient extrêmement importante et ne se réduit plus justement à un groupe de militaires en colère, mais qu'elle se répand au-delà des casernes. Nourrie par la crise de 1980, qui est donc une crise multiple, à la fois économique. Vous avez évoqué donc le choc pétrolier, la hausse du chômage qui connaît un essor continu jusqu'à connaître dépasser le chiffre symbolique du million en 1980. Oui. Donc une crise économique et sociale, le chômage se hisse en tête des préoccupations des Espagnols et pour de nombreuses années. Une espèce d'apathie aussi civico-sociale qu'on appelle le désenchantement, qui est une sorte de désillusion postérieure aux attentes engendrées par la mort de Franco. C'est un peu l'idée que finalement la démocratie, ça résout pas tout. Et il faut dire aussi que Juan Carlos a pris son temps quand même. Il y a une période d'immobilisme au moment où il prend le pouvoir et avant de constituer vraiment une monarchie parlementaire, il y a ce laps de temps où il se passe pas grand chose. Oui, alors ça c'est bien avant. On est en 1975-76. 76, oui. Voilà, c'est jusqu'à la nomination de Suárez. Alors, on va écouter Sophie Babi. Pardon de vous couper, mais je voudrais qu'on avance aussi, là qu'on se retrouve dans la tentative de coup d'État. Et après la tentative de coup d'État, on va écouter une archive ensemble. La personne qui parle, c'est Javier Cercas, c'est un romancier espagnol qui a consacré un roman intitulé « Anatomie d'un instant » à cet événement historique de tentative de coup d'État. On l'écoute ensemble, on en parle après. Je crois que ce sont des images fascinantes. Je crois que c'est une des documents plus importants de l'histoire du XXe siècle. Peut-être le seul coup d'État qui a été enregistré par la télévision. J'étais fasciné par cette image et je me demandais s'il y avait là quelques secrets. Et c'est à partir de ces images que j'ai voulu finalement raconter l'histoire de la conquête de la démocratie. Le premier cliché de ce coup d'État, c'est que c'était un coup d'État, une blague, un coup d'État d'opéra. Et c'est absolument faux. C'était absolument sérieux. Si le coup d'État aurait marché, j'en suis sûr, il n'est pas aurait été présenté comme un coup d'État. C'est très important, ça. On aurait dit que c'était un réajustement du gouvernement. Et bon, et les gens auraient dit, oh, très bien, il y a un militaire finalement, nous sommes très contents. Bon, c'est ça comme ça. Ça se passait toujours ici dans l'histoire. Qu'en pensez-vous, Sophie Babine, de cette analyse? Bon, alors déjà, cet ouvrage de Javier Cercas est fondamental. C'est plus qu'un roman, c'est vraiment une analyse extrêmement minutieuse du coup d'État et de ses origines. C'est un roman alors, historique, on va dire. Ça existe. Oui, mais vraiment, je dirais que ça sort même du roman. Enfin, bon, c'est un autre débat. Oui. En tout cas, c'est ce qu'il veut dire sur le fait qu'un coup d'État, s'il avait réussi, n'aurait pas été qualifié de coup d'État. Oui. Ben, on peut penser ici, en fait, à l'opération de Gaulle de 1958. Absolument. Voilà, qui était d'ailleurs la référence dans la tête de certains putschistes, en tout cas du général Armada et des putschistes les plus modérés, je dirais, qui voulaient donner un coup de gouvernail, un coup de bistouri, un changement de cap. C'était les mots employés à l'époque pour définir ce redressement autoritaire que l'on exigeait. Mais en fait, il y avait plusieurs projets dans ce putsch. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas réussi. Et le général Armada, qui lui voulait plus un putsch mou du style à la de Gaulle, ne rejoignait pas du tout les attentes de Tejero, ce lieutenant-colonel de la garde civile, qui lui voulait voir arriver au pouvoir une junte militaire pure et dure. Alors j'imagine certains auditeurs gaullistes nous entendant dire le putsch du général de Gaulle, évidemment ça. Non pardon, ça porte le putsch d'Alger est arrivé. Même le coup d'état mou du général de Gaulle. Ben, François Mitterrand avait écrit un livre qui s'appelait Le coup d'état permanent, mais évidemment ça porte à débat. Hein. Mais enfin c'est un autre débat. Est-ce que ce coup d'état aurait pu réussir ou est-ce que de toute façon il ne pouvait pas réussir? Est-ce qu'il manquait les éléments principaux et incontournables d'un coup d'État? On sait qu'un coup d'État ne peut s'appuyer notamment que sur l'armée, l'adhésion de l'armée. Les coups d'État qui capotent souvent parce que l'armée ou toute l'armée n'est pas d'accord. C'est un élément, il y a d'autres. Oui. Moi, je pense qu'il aurait pu réussir dans le sens où on aurait pu avoir un type de gouvernement dirigé temporairement par un militaire, avec une volonté de retour à l'ordre, de limitation un peu des libertés temporairement et de freiner un peu les réformes. Mais un coup d'État qui aurait amené au pouvoir une junte militaire telle qu'elle pouvait exister dans les années 20, 30 ou même les années 50, 60, non, je ne pense pas que la société était du tout susceptible d'accueillir ce type de gouvernement. Ni même l'armée qui était donc très divisée. Concernant le roi, il prend la bonne décision, celle qui va dans le bon sens. Hein, si on est démocrate, on la considère comme cela. Mais le récit montre quand même qu'il ne réagit pas immédiatement. Il y a un moment de flottement. Ou alors c'est une manœuvre. Mais il y a un moment de flottement. Bah, écoutez, je pense que le roi... Enfin, là encore, c'est très difficile de savoir. Mais le roi attend de savoir un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que on ne sait pas très bien. Enfin, c'est très significatif cette archive que vous avez fait passer où un garde civil arrive et dit nous attendons l'autorité militaire compétente. Ouais. Qui sera cette autorité militaire? Bon. Donc le temps que l'information circule, que le roi et son entourage comprennent ce qui est en train de se passer, nécessite un temps de réaction pour que le roi puisse appeler tous les capitaines généraux et se dire bon, non, je ne suis pas derrière tout ça. Donc c'est une hésitation technique, en fait. C'est plus une hésitation technique de façon à ce qu'ils sachent exactement ce qui se passe et quelles sont les forces en présence. Bon, écoutez, on commence. Alors, je ne sais. Oui, c'est vrai, on va pas rester dans le virtuel, mais alors maintenant, le franquisme, est-ce qu'il y a des résidus nostalgiques du franquisme en Espagne aujourd'hui? Oui, bien sûr. Comment bien s'exprime-t-elle? Il y en a. Comment s'exprime-t-elle? Eh bien, notamment dans ce rejet, ce refus de faire le procès du franquisme. Et dans cette hostilité qui est sensible dans beaucoup de milieux, y compris populaires, à l'égard des revendications d'exhumation, notamment des corps des fosses communes, ou de faire le procès de certains tortionnaires du franquisme qui existent encore. Ensuite, donc la transition démocratique débouche sur la consolidation démocratique, à tel point, je le disais tout à l'heure, que l'Espagne s'est un peu érigée en modèle, hein, la jeune démocratie espagnole, et puis ce phénomène qu'on a appelé la movida, ce souffle de jeunesse, de liberté, de progrès, voire quelquefois de transgression. La movida, c'est un élément important de l'histoire espagnole contemporaine. Oui, bien sûr, et parce que c'est le moment qui a suivi un peu la libération des mœurs avec un peu de retard par rapport au reste de l'Europe. Et je pense aussi à cause de la postérité internationale de certains de ces artistes, comme Pedro Almodovar. D'ailleurs, il me semble que nous avons entendu le disque de Hablé con ella, non? Oui. Oui, absolument. Le monde original d'un des films d'Almodovar que j'ai reconnu. Mais, évidemment. Voilà, donc oui, c'est un moment essentiel d'épanouissement culturel et surtout de renommée internationale de Madrid, parce que la Movida c'est surtout à Madrid qu'elle se produit. Comment voyez-vous cette montée de ces forces sociales, les indignés, le renouvellement des partis politiques avec Podemos? Quelle est la résonance de cette situation politique par rapport à cette démocratie des années 80 qui s'installe? Alors, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les partis, de quel que soit le bord où ils se placent, se revendiquent de la transition. C'est-à-dire, soit pour la critiquer, ça c'est le côté de Podemos, de dire que cette transition, elle a été insatisfaisante, elle a été insuffisante, et qu'il faut donc mener à bien une seconde transition, mais une seconde transition qui respecte les valeurs de cette première transition, à savoir les valeurs de consensus, les valeurs de conscience nationale et de l'État qui permettent de faire des réformes, de mener des réformes d'envergure comme celles qui ont été menées à l'époque. Et puis de l'autre côté, vous avez en particulier la droite et le PP qui s'étaient un peu approprié la mémoire de la transition et qui continuent à la revendiquer, mais pour justement préserver son héritage et ne la modifier en rien. Donc c'est vraiment un moment, la transition, un moment fondateur de la démocratie actuelle et à laquelle se réfèrent tous les hommes politiques actuels, y compris donc Podemos, ne serait-ce que pour la critiquer, tout en donc, j'insiste bien, voulant se réapproprier ses valeurs originelles. Bien, merci beaucoup Sophie Babi pour vos éclairages sur cette période de l'histoire espagnole, cette tentative de coup d'État avorté qui n'aura duré finalement qu'une nuit. La nuit était longue pour les Espagnols, mais elle a duré qu'une nuit. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la tentative de putsch en Espagne, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée à Léo Ferret.